Chapitre 18. L'ermitage. Il doit gîter au moins 2 lièvres du côté de l'ermitage. Pour un seul, à coup sûr, l'abbé Seb ne me mènerait pas si loin. Car il est très haut perché, cet ermitage, et le chemin n'en finit pas de grimper entre des rochers d'une surprenante sécheresse. Mais l'abbé m'a promis des ruines. Les ruines y sont, les lièvres aussi. L'abbé tue un lièvre d'abord, réservant, j'imagine, le meurtre du second pour égayer notre retour. Et puis, nous visitons les ruines. Elles consistent en une petite chapelle romane couverte d'un toit dallé sur lequel ont librement poussé les herbes et les ronces, plus un amas de plâtras au bout d'un carré clos de murs qui furent le logis et le cimetière des ermites. Et par devant, à l'alignement du chemin, une fontaine armoriée que quelques ornements visibles encore sous la mousse me firent supposer des commencements de la Renaissance. Tout cela, sans doute, a du caractère, mais sans intérêt bien spécial pour moi. Cependant, sur le mur de la chapelle, qui regarde à l'est, dans un angle, l'abbé me fait remarquer un cadran solaire en crépi, notablement désagrégé par la pluie et le vent de mer. Un cartouche le surmonte, avec quelques lettres en noir, reste d'une inscription. L'abbé, quoiqu'il se souvienne avoir vu l'inscription presque entière, ne peut pas m'en dire le sens. C'était, paraît-il, un distique, obscur dans son latin barbare, comme une ceinturie de Nostradamus et qui parlait d'ombre et de trésor. « Ce cadran et cette inscription, continue l'abbé, heureux de l'attention que je prête à ses paroles, furent tracés vers le milieu du XVIIIe siècle par un membre de la famille Gazan, médecin, disciple du fameux Mesmer, et qui a laissé le souvenir d'un original, quelque peu fou, moitié philosophe, moitié kabbaliste. L'inscription eut toujours le don d'exciter la curiosité des gens. On s'imaginait et l'on s'imagine encore qu'elle indique l'endroit où, dans les temps anciens, d'immenses richesses furent enfouies. Et, détail qui n'a pas peu contribué à fortifier cette opinion, la fontaine que vous voyez là s'appelle Fontaine de la Chèvre d'Or. Je fis un soubresaut. « Et quoi, l'abbé, vous connaissiez cette fontaine de la Chèvre d'Or et ne m'en avez jamais rien dit ? Le nom ne lui est pourtant pas venu tout seul. Il doit se rapporter à quelque légende significative et intéressante pour moi. En effet, il y a dans le pays, vous ne l'ignorez pas sans doute, une légende de chèvre fée donnant puissance et bonheur à qui sait l'atteindre et s'emparer d'elle, et ne laissant au cœur de ceux qui l'ont seulement entrevue qu'amertume et insatiable désir. Telle est du moins la version des humbles d'esprit et des poètes. Celle que l'on raconte à la veillée quand les femmes trient les amandes, ou au moulin d'huile quand les hommes pressent le grignon. Mais des gens pratiques en ont trouvé une autre. Peu sensibles au mystérieux, ils pensent que le nom de chèvre d'or est simplement une manière de parler symbolisant un trésor fort réel caché dans les environs précisément de la chapelle où nous sommes et que l'on pourrait retrouver en fouillant à la bonne place. Aussi bien, il ne se passe guère d'années sans que quelque amateur essaye de faire tourner la verge de coudrier dans le vieux cimetière autour de la fontaine. Ils ont ces enragés avec leurs pioches et leurs piques aux trois quarts démolis comme vous voyez la chapelle et sacrilègement retourner les os des ermites qui dorment là. Sans compter que je dus encore l'autre jour reconduire jusqu'à ma porte, en le menaçant de coups de trique, un paroissien qui voulait m'amener ici quand minuit sonnerait pour me faire dire la messe noire. Ainsi, l'abbé, vous ne croyez pas. Je ne crois qu'à Dieu et au pape. Mais quoi ? Dans l'opinion des gens, le trésor dont il s'agit serait un trésor sarrasin. Et d'après vous, les sarrasins ont laissé au Puget tant de choses que je ne vois pas pourquoi, en s'en allant, ils n'y auraient pas laissé un trésor. » L'abbé riait. Il ajouta : « Je pensais bien que cela mériterait votre attention. J'avais même à tout hasard mis dans ma poche un vieux cahier sur parchemin prêté par Monsieur Honorat, et que je n'ai pas encore pris le temps de lui rendre. Un livre de raison. Il date du 15e siècle. Vous y trouverez des renseignements concernant la chapelle et la fontaine. Seulement, pas un mot de tout ceci à Monsieur Honorat, ni à Mademoiselle Norette. Les gazans, je ne sais pourquoi, n'aiment pas beaucoup qu'on parle devant eux de la chèvre d'or. »